basta seta. Basta seta. Yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo stato. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono emarginati da sempre. Oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra. Reviens quelquefois, rien qu'un sourire en souvenir d'un garçon d'autrefois. Quand mes jours sont gris, qu'il neige sur ma vie, il revient dans ma mémoire. Trop grand sur un quai qui pleurait. Il a neigé beaucoup de pluie sur la barre, sur Paris. Et il ne sait rien de moi et de ma vie. galère à la fin. Parce qu'il faut se réveiller, alors ça s'accélère, voilà, tout ça. Sylvie Vartan, Nicolas, sur MFM. Aujourd'hui, une bonne fête à tous les Victors. Nous sommes le lundi 21 juillet, un joyeux anniversaire à Charlotte Gainsbourg. Elle a 32 ans, Charlotte. On va retrouver Jean-Jacques Goldman du côté des nouveautés en public et l'on n'y peut rien. Ça se passe juste après les infos qui arrivent après ceci. Bonjour, André Giovanni, directeur de Santé Magazine. Ce mois-ci, au sommaire... Des jambes lourdes, c'est douloureux. Avec des gestes de prévention, des astuces, retrouver des jambes légères. Peut-on maigrir mieux avec le régime crétois? Bien sûr, avec Santé Magazine, savourez 10 recettes du fameux régime crétois pour maigrir, rester jeune et en belle santé. Pour la beauté des femmes, merci Santé Magazine, le journal qui fait du bien. Velouté Fruix, à votre écoute. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous avez sorti Velouté Fruix en bouteille, oui. Mais qu'est-ce qu'il a de nouveau? Eh bien, le nouveau Velouté Fruix, en bouteille, c'est le nouveau yaourt de Danone aux fruits mixés qui se boit au verre. Du yaourt à boire au verre? Mon petit dernier va adorer. Et en plus, c'est délicieux et c'est fait avec de bons fruits. Nouveau Velouté Fruix en bouteille de Danone, le yaourt aux fruits mixés qui se boit au verre. Existe à la fraise, à la framboise et à l'abricot. Mariella sera là dans moins de 10 minutes pour l'horoscope sur MFM, 8h30. L'actualité, Annabelle Villemont. Bonjour Annabelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Un nouvel attentat en Corse hier soir. L'explosion a visé un bâtiment de la direction de l'équipement dans la zone de l'aéroport de Bastia. La forte déflagration n'a pas fait de blessés mais a engendré des dégâts importants selon les policiers. Une explosion qui survient alors que la piste corse est privilégiée dans le double attentat de Nice qui a blessé légèrement 16 personnes dimanche matin. Les enquêteurs ont en effet retrouvé à proximité du lieu des explosions une voiture volée en Corse et faussement immatriculée. Un système de mise à feu se trouvait à l'intérieur. Sur le front des incendies, la situation est rassurante en Provence. En revanche, l'inquiétude grandit en Corse. Plus de 2000 hectares de pinèdes sont d'ores et déjà partis en fumée au nord d'Ajaccio. 400 hectares ont brûlé pour la seule journée d'hier. Pendant ce temps, dans le Var, 550 hommes restent en alerte dans le massif des Morts, où 10 000 hectares ont été ravagés par le feu depuis jeudi. Pour l'instant, plus aucune fumerole n'est visible et les 8000 vacanciers évacués ont pu regagner leur lieu de villégiature. Un tournoi de football qui tournait mal dans le Doubs. 36 spectateurs ont dû être hospitalisés après une intoxication alimentaire. C'est à l'issue du déjeuner organisé par le club de foot local de Longevelle sur le Doubs que les participants ont été pris de maux de tête et de vomissements. Le code rouge a été déclenché dans le département afin que tous soient hospitalisés. Aucune victime ne se trouve toutefois dans un état grave. Et puis prudence si vous pratiquez la randonnée en montagne. Une Suissesse de 55 ans a fait une chute mortelle hier dans le massif des Vosges sur la commune de Metzeral dans le Haut-Rhin. La randonneuse a glissé sur l'herbe avant de tomber d'une centaine de mètres. Tous les quarts d'heure, M comme météo. La situation n'évoluera que très lentement aujourd'hui avec un ruban nuageux qui s'étend encore du sud-ouest à la frontière allemande et qui occasionnera quelques ondées. De part et d'autre de cette zone, le temps sera ensoleillé. Les pointes de la Bretagne et du Cotentin connaîtront toutefois davantage de passages nuageux. L'après-midi, le ciel restera chargé des Pyrénées au relief de l'Est avec encore un peu d'instabilité orageuse. Près de la Méditerranée et des Charentes au nord-est, le beau temps sera au programme dans une ambiance encore chaude. Les températures, il fait 14 à 17 degrés en général ce matin. On attend 26 à 29 en moyenne l'après-midi. Quand on l'attend pas, quand on y croit, il s'enfuit. vie. Et plus mort que vivant, c'est lui qui décide. On ne fait que semblant. Lui choisissait tout, et c'est fort et c'est bien. Ainsi fait l'amour, et on n'y peut rien. Écoutez M FM M comme mélodie. Je ferai l'été en novembre. Je la réchaufferai pour pas qu'elle tremble. J'inventerai les mots du silence. Je le ferai du bleu sur des mots tendres. J'apprendrai à vivre autrement, à sa façon et loin des champs. J'irai chercher l'inaccessible, l'infiniment sentimental pour elle, pour elle, pour elle. J'irai au plus profond des rêves qu'elle fait lorsqu'elle est endormie. Chercher ce que jamais ses lèvres n'oseront dire de ses envies. J'arracherai les habitudes et les moments qui font douter pour détruire les incertitudes. Sans se parler pour elle, pour elle, pour elle, oh, pour elle. J'irai au bord de l'invisible où l'amour tient en équilibre. Pour elle, j'oublierai qui je suis. J'écouterai tout ce que son cœur dit. J'irai voler l'indispensable, l'extrême sentiment d'aimer. Je jetterai tout de mon passé pour faire de nous mon avenir. Peut-être simplement pour s'aimer. Peut-être pour ne jamais mourir. Pour elle. Pour elle. Pour elle. Oh, pour elle. J'irai au bord de l'invisible où l'amour tient en équilibre. Pour elle, j'oublierai qui je suis. J'écouterai tout ce que son cœur dit. J'irai voler l'indispensable, l'extrême sentiment d'aimer pour elle. J'arrêterai le temps qui passe pour que plus jamais on oublie les caresses qui souvent s'effacent. Pour elle, M comme matin et toute l'équipe réunie autour de vous, mesdames, messieurs, Richard Cotillon pour elle, c'était pour vous et ce sera pour vous également pour la suite. Barry White, c'est juste après. Mariella, elle est là avec ses amis les poissons, tout ça, l'horoscope. M comme Mariella Madonna. Les 9h20. Chers amis, bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de MFM et c'est le moment venu de votre horoscope. Les béliers aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre les devants dans une affaire familiale et surtout de tenter de réconcilier tout le monde. Les taureaux, vous montez les marches les unes après les autres. Il est vrai que la situation n'est pas si simple. Ne vous essoufflez pas, vous arriverez au bout du chemin. Le signe des gémeaux, votre vie matérielle vous pose un problème. Il est vrai que vous devez demander aide et appui à votre entourage immédiat et familial. Les cancers, vos enfants vous apportent de multiples satisfactions. Tâchez de leur accorder le temps qu'ils méritent. Le signe du lion, si vous partez en vacances, attention aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour pour voyager. Le signe de la Vierge, vous avez enfin aujourd'hui tout gagné. La chance côté professionnel, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, il est peut-être question d'une promotion qui serait dans l'air. Et oui, pour la rentrée. Les balances, vous faites peau neuve et vous avez décidé en effet de faire cavalier seul. Mieux vaut être seul, comme on dit, que mal accompagné. Le signe du scorpion, une personne proche de vous a tendance à vous créer quelques petits soucis et à vous faire de l'ombre. Soyez particulièrement méfiant, comme vous savez l'être habituellement d'ailleurs. Les sagittaires, un vent de renouveau souffle actuellement dans votre vie. Il est temps d'en profiter et d'alléger en effet les turbulences de ces dernières années. Les capricornes, prenez donc un peu de vacances car vous remettez toujours. En effet, vous vous dites sans cesse que vous êtes débordé. C'est le moment ou jamais de vous détendre et de vous reposer. Vous en avez grand besoin. Le signe du Verseau, votre énergie est souvent mal canalisée et vous fait entrer en conflit avec des personnes dans votre entourage pour si peu de choses. Tentez de relativiser. Et les poissons, aujourd'hui, c'est un jour de chance côté sentimental. Si vous êtes célibataire, eh bien la vie ne vous réserve que des surprises. Amusez-vous bien. Au revoir. Retrouvez 24 heures sur 24 l'horoscope de Mariella Madonna au 0892 68 04 56. NewTek Multimédia, 34 centimes la minute. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe, tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name. What you got to do with darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change. something rude. I scream your name. Look what you got to do. And all I got ain't getting up for your love, babe. M comme matin et Barry White, Can't Get Enough of Love Babe. Voilà pour le titre Gold de la ville de lumière qui va donc nous illuminer juste après ceci sur MFM. Il est 8h46. Tous les quarts d'heure, M comme météo. Pour aujourd'hui, le ciel encore chargé de Midi-Pyrénées jusqu'au nord-est. Mais passé la mi-journée, les éclaircies seront de retour. Sur l'ouest du pays, des averses vont glisser du Cotentin jusqu'au Pays de Loire. En revanche, du Languedoc à la Provence, chaleur et soleil prédomineront encore. Les gros cumulus qui bourgeonnent sur les Pyrénées-Orientales pourront cependant tourner à l'orage. Enfin, sur le reste du pays, soit du nord de l'Aquitaine aux frontières de l'Est, le temps restera agréable. Côté température, ce matin, comprise entre 14 et 17 degrés. Dans l'après-midi, 19 degrés à Cherbourg, 24 à Nantes, La Rochelle, 26 à Bordeaux, 28 à Dijon, Lyon, 30 degrés pour les maxi. Ce sera du côté de Paris, hein, à Paris. Bah. Cœur de loup, pas le temps tout lui dire, pas le temps tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon nuit lui fait de l'œil. Même ululé sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veuille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet pour lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Et les cifres, les skis, sous mes bordées d'amour, je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Le swing, c'est le coup de gong du King Bong. Cœur de loup, m'as-tu lu l'appello, des délits, sans du ring, c'est le coup de gong du King Bong. Pas le temps de mentir, ni de quitter la scène. Yepello a beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle. Et le crime est si gai. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Thank you. Indissociable que la confiture sur la petite tartine grillée. Simon et son compère Garth et Art, pas Garth, Art, Garfunkel à l'instant sur MFM. Du côté du voyage au Maroc, ça n'a pas été gagné, en tout cas pour ce matin. Rendez-vous ce soir entre 17h et 19h avec Yann Scherer qui va vous offrir, en tout cas vous proposer, un voyage au soleil pour deux personnes grâce à MFM et Jet Tour. Dans un court instant, les infos de 9h. Elle court, elle court, la maladie d'amour. Et puisque vous aimez les voyages, je vous annonce que c'est gagné, jackpot pour vous. MFM. Bien, je suis heureux de vous accueillir à bord du paquebot Le Renaissance. Oui, bonjour. Merci, capitaine, merci. MFM, distributeur de bonheur. Fraises, pêches, cerises, c'est toujours les mêmes variétés avec les produits laitiers. Envie de changement ? Voici le nouveau Delicioso de Danone. Poire éclat d'amande. Wow. Avec ses délicieux morceaux de poire et des éclats d'amande craquants. Wow. Et c'est taille fine. Oui, taille fine Delicioso avec seulement 0,7% de matière grasse. Nouveau taille fine Delicioso de Danone. Une véritable révélation pour le dessert. Michel Delpech et Patrick Fiori vous attendent de l'autre côté des infos sur MFM. Il est 9h. L'actualité, Annabelle Villemont. Bonjour Annabelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Sur le front des incendies, c'est l'apaisement dans le Var et les Alpes de Haute-Provence. En revanche, les pompiers restent inquiets en Corse du Sud. L'incendie sur l'île de Beauté a déjà parcouru 2000 hectares de maquis et de forêts. Un Canadair, deux trackers et deux hélicoptères bombardiers d'eau ont appuyé hier la centaine d'hommes mobilisés au sol, en attendant les renforts venus du continent. Autre conséquence des incendies, deux TGV ont été supprimés et quatre autres ont subi des retards hier entre Brest et Paris en raison de départs de feu signalés le long des voies en Bretagne. Des TER ont également été affectés. Au total, plusieurs milliers de personnes ont été concernés par l'interruption du trafic. Un nouvel attentat en Corse hier soir. L'explosion a visé un bâtiment de la direction de l'équipement dans la zone de l'aéroport de Bastia. La forte déflagration n'a pas fait de blessés mais a engendré des dégâts importants. Une explosion qui survient alors que la piste corse est privilégiée dans le double attentat de Nice qui a blessé légèrement 16 personnes dans la nuit de samedi à dimanche. Le drame dans les Hautes-Pyrénées. Un hélicoptère de la sécurité civile s'est écrasé hier soir peu avant 19h. Le bilan est de 1 mort, un secouriste CRS. 4 autres membres de l'équipe ont été blessés, dont 2 grièvement. L'accident s'est produit alors que l'appareil participait à une intervention de secours en montagne. Enfin, baissera pas. C'est aujourd'hui que le gouvernement doit annoncer si le taux de rémunération du livret A va changer. Actuellement fixé à 3%, il pourrait chuter à 2,25%. Cette décision impopulaire pour les 46 millions de porteurs devrait être présentée par Matignon comme une bonne nouvelle pour la croissance, puisque 10 milliards d'euros devraient ainsi rejoindre l'économie. Tous les quarts d'heure, comme météo. Le ciel est encore chargé de Midi-Pyrénées jusqu'au nord-est avec quelques pluies résiduelles localement orageuses. Mais passé la mi-journée, les éclaircies seront de retour. Sur l'ouest du pays, des averses vont glisser du Cotentin jusqu'au Pays de Loire. En revanche, du Languedoc à la Provence, chaleur et soleil prédominent encore. Les gros cumulus qui bourgeonnent sur les Pyrénées orientales pourront cependant tourner à l'orage. Enfin, sur le reste du pays, soit du nord de l'Aquitaine aux frontières de l'est, le temps restera agréable et largement ensoleillé. Les températures comptaient 14 à 17 degrés en général ce matin et 26 à 29 en moyenne. L'après-midi, on atteindra 35 en Provence. Dans les premiers temps, faire dire de toi qu'il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps, quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là, pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie. J'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi. En attendant que tu travailles, je sais que tu peux t'en sortir. Tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Tu sais, maintenant c'est passé, mais au début j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux. Mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie, ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue Certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Ma vie, j'ai dans mon cœur. Tombent les pluies, rien ne me fait peur. Loin d'ici, loin des douleurs. Je sais où ressusciter, je sais où aller. C'est une campagne où je suis né. C'est un rivage où tout a commencé. J'en ai vu bien d'autres, mais celui-là, jamais rien ne l'effacera. C'est une langue qui m'a bercé. Ce sont des notes qui m'ont emporté vers toutes les autres, mais sans jamais risquer de se faire. Des vieux que l'âge incruste peu à peu dans nos paysages montagneux, des hommes comme des rochers. C'est une enfance que je chéris, c'est une chance de pousser ici, prison de soleil au milieu des mers, terre des rêves. Château des rois, or ou bijoux, je reste là. Je ne les échangerai pas. Là, je suis chez moi, je suis riche. Riche de ça. MFM, les mélodies qu'on aime. Et grâce à Patrick Fiori, on a bien pris note de la destination. Nous savons également où aller du côté de la musique sans interruption. C'est celle qui est offerte par MFM. 40 minutes, c'est pile poil le temps qu'il faut, hein, comme ça, pour prendre le bon temps, l'histoire de savourer la différence de Lara Fabian, la dernière séance d'Eddie Mitchell, le mal de toi de François Feldman, j'en passe, et non des moindres, évidemment, c'est MFM. Très belle matinée. Tout l'été, MFM vous offre vos vacances sous le soleil du Maroc. Cette semaine, écoutez MFM à 7h10, 8h10, 17h30 et 18h10. Jouez et gagnez votre séjour d'une semaine en pension complète dans les plus beaux hôtels marocains. Farniente, détente, soleil et mer, tout a été prévu pour vous faire passer une semaine inoubliable sous le soleil de la Méditerranée. Rendez-vous cette semaine et tout l'été pour gagner vos vacances au Maroc. MFM, distributeur de bonheur. Il y a plein de filles dans Pleine Vie. Du nouveau tous les mois, un magazine proche de moi. Bienvenue dans Pleine Vie. Ce mois-ci dans Pleine Vie, le grand jeu de l'été avec 100 000 euros de prix à gagner, le nouveau coupé Renault, des voyages et plein d'autres cadeaux. Se remarier ou pas? Patrimoine, fiscalité, Pleine Vie vous aide à faire le bon choix. Et aussi le guide des croisières avec tous nos conseils et nos circuits coup de cœur. Faites le plein de tonus grâce à l'Aquagym. Et en plus avec Pleine Vie, un livre gratuit j'ai lu de 200 pages, La visiteuse de Guy Descartes. Il y a plein de filles dans Pleine Vie. 3 millions de lecteurs lisent déjà Pleine Vie. En vente chez votre marchand de journaux. Velouté Fruix. À votre écoute. Voilà, maman elle me donne des yaourts aux fruits au petit déjeuner. Ouais. Mais le matin, je suis pas réveillée et j'ai pas trop envie de manger. Ah, tu sais, demande à ta maman le nouveau velouté Fruix en bouteille. C'est le nouveau yaourt de Danone aux fruits mixés qui se boit au verre. C'est facile à boire et tu vas adorer. Génial, je le prendrai dans mon verre avec le dragon dessiné dessus. Nouveau velouté Fruix en bouteille de Danone. Le yaourt aux fruits mixés qui se boit au verre. Existe à la fraise, à la framboise et à l'abricot. Bonjour, c'est Evelyne Leclerc. Si vous êtes célibataire ou en quête de nouvelles rencontres, venez me rejoindre sur ma messagerie au 0 892 68 3 4 5 0. Sur ce service, vous pourrez dialoguer dans un climat très convivial et pourquoi pas découvrir l'homme ou la femme de votre vie. 0 892 68 3 4 5 0. Faites confiance à mon expérience pour sortir enfin de la solitude. Des milliers d'inscrits vous attendent sur le fil de l'amitié au 0 892 68 3 4 5 0 0 892 68 3 4 5 0 Luna 0,34 euros la minute. Dans un instant, 40 minutes de musique sans interruption sur MFM.

Le service de tous ceux qui sont décidés à trouver joie de vivre, amour et amitié. Alors, dès aujourd'hui, prenez votre téléphone et rejoignez tous ceux qui ont décidé de rompre définitivement avec leur solitude. 0892 68 22 25 et 36 15, moins vouloir toi. Sirtes 34 ou 20 centimes la minute. Île, tu es né de la pluie, de ma folie, assaillie par les vagues. Oh, île, tu surgis de l'oubli, ton paysage n'est